起的桌，住的桌，蒙了迷，两只细土的桌。Oui, je sais tout de toi, mon ami. Bien, je sais tout de toi, je sais tout de ta vie. Tu m'as dit, mon ami.Bien, je sais tout de toi. Marcher jusqu'à la mort. Et avec toi, mon ami. À ton bras. Salut Fredo. Salut Fredo.Allez JP, fais-nous du Indochine.La guitare c'est facile. La guitare c'est facile. Ça fait ça. Non c'est pas ça. La guitare c'est. La guitare yo-yo c'est facile, regarde. C'est ça là. La guitare c'est ça.Facile, hein? Oui, je sais tout de toi, mon ami, mon ami.Oui, je sais tout de toi. Je sais tout de ta vie. Tu m'as dit, mon ami. Bien, je sais tout de toi. Toujours mon cœur, c'est où tu vas, mon ami. Mon cœur bat pour toi. Oui, je sais tout de toi. Je sais tout de toi, mon ami. Oui, je sais tout de toi. Allez! C'est ça, yo, c'est ça la guitare, c'est ça, c'est nickel. C'est exactement ça. Est-ce que Yo est prêt? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mon ami, oui, je sais tout de toi. Mon ami, viens avec moi. C'est ça, c'était ça. C'est une version remix de Indochine. Karma Girl. et je dois m'en aller. Et c'est bien. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.